C'est un monde d'hommes, c'est un monde d'hommes, c'est un monde de femmes, je ne sais plus. C'est un monde d'hommes, c'est un monde d'hommes, qui ne serait rien sans nos mères, nos sœurs et toutes ces putes. Les gens niquent de l'argent, l'argent nique les gens. Ce qui fait béton, c'est les complices négligents. Tu lui ouvres à peine ton cœur que tu le cherches déjà. Le cœur est le muscle qui pompe le plus de sang. On manipule pas sans risque, je suis un peu comme une grenade. À la place du cœur, le juge a un code pénal. Un homme sans cache, un bolide sans moteur. La planche habillée à la statue de Zeus des temps modernes. Un lourd, deux lourds, la refus rapporte. Cinq lourds, dix lourds, il frappe à ta porte. Je fais le serment, te quitte salement, bizarrement. D'ici la voix, I'm the best, peace la moi. On perd trop de frères dans le coquet. Les cauchemars des joy, les poteaux des banquets. Sors le banquet, sors le banquet. Des pailles, meuf en or, des plaqués. Oh là, oh oh là. J'baisse pas la concurrence, j'suis pas gay. Oh là, oh oh là. Pilon dans les paquets, déféré au parquet. J'suis qu'un Ariel qui fait ses armes sur vitesse. J'ai découvert le rap hier, j'écoutais de la dance. Comment le déguise peut se barrer avec ta grosse somme? Comment des culs aussi moelleux peuvent faire aussi mal aux hommes? Miche-toi sans tatouer un E sur les fesses. Miche-toi en sucer une boîte de vitesse. Les études chères, c'est le crime de l'école. La prison, c'est l'école du crime. Il t'enferme, trottine extérieure de richesse. Ou il t'enferme juste pour la beauté du geste. On meurt dans une demeure dont on meurt d'envie. On ne choisit pas de naître, mais je choisis de rester en vie. Je m'en remets à Dieu, quand ma haine témoin. Les pieux sont des armes mortelles contre les démons. On perd nos biens devant des huissiers et des keufs froids. Ils perdent leurs biens devant les feux rouges du 9-3. On perd trop de frères dans le coquet. Les cauchemars des joy, les poteaux des banquets. Sors le banquet, sors le banquet. Des pailles, une meuf en or, des plaqués. Oh là, oh oh là. J'baisse pas la concurrence, j'suis pas gay. Oh là, oh oh là. Pilon dans les paquets, déféré au parquet. On a vu des gens aisés, frelons, sauter de la véranda. La manche, ça rapporte un salaire, frelons, faire pitié, c'est rentable. Dans le X, y'a pas de reine, dans la rue, y'a pas de roi. Ton cocard a la couleur des 500 euros que tu dois. L'amitié, c'est un seul esprit dans deux corps. Des poteaux noirs peuvent te tendre une corde. La calache à la côte, parce qu'ils sont pleins sur tes côtes. Donc il te faut une arme qui crasse cette boulette par seconde. On perd trop de frères dans le coquet. Les cauchemars des joy, les poteaux des banquets. Sors le banquet, sors le banquet. Des pailles, une meuf en or, des plaqués. Oh là, oh oh là. J'baisse pas la concurrence, j'suis pas gay. Oh là, oh oh là. Pilon dans les paquets, déféré au parquet.